Il était une fois une petite fille qui habitait avec ses parents dans une maison située au milieu d'une forêt. Un jour, elle eut l'idée de monter au grenier et là, elle aperçut, bien cachée derrière une grosse malle, une toute petite porte qui n'avait pas été ouverte depuis très longtemps. La petite fille hésita un grand moment avant de se risquer à l'entrebâiller. Finalement, elle prit le parti de satisfaire sa curiosité et fit tourner la poignée. Un bruit de gonds rouillés se fit entendre. Un tourbillon de lumière s'empara de l'enfant et la conduisit vers une autre galaxie. Notre héroïne venait d'ouvrir la porte de l'univers. Elle se posa en douceur au milieu d'un champ de carottes jaunes et de tomates bleues. Elle vit arriver des Smardiens. C'est en effet ainsi qu'on appelait les habitants de la planète Smard, planète où le hasard l'avait conduite. Ces personnages vêtus de grandes robes phosphorescentes l'accueillirent très gentiment et lui offrirent des gobe-mois, le meilleur fruit qu'il possédait. Ensuite, ils s'adressèrent à la fillette dans un langage tout à fait incompréhensible. « Nubevi, tite petit, il fait, t'es nob Joseph Rapinson ?» Bien que ne comprenant rien, la voyageuse n'eut pas du tout peur car elle sentait que ce peuple inconnu était chaleureux et hospitalier. On la conduisit dans un grand palais tout doré et là, elle fit la connaissance d'une petite Smardienne nommée Elcora qui avait 7 ans et qui venait d'avoir un petit frère. Les deux fillettes décidèrent de partir à l'aventure dans l'immense forêt qui jouxtait la demeure féerique où vivaient les parents de la Smardienne. Elle voulait en effet cueillir le fameux Arguijan, qui sur cette planète donnait à qui le possédait force, bonheur et gaieté. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce trésor était gardé par un rond de garde, une bête affreuse qui dévorait tout ce qu'elle rencontrait. Elles avaient pris la décision de s'emparer de l'objet magique pour l'offrir au petit frère, mais aussi pour montrer aux parents de la Smardienne qu'elles étaient devenues grandes et qu'on pouvait leur faire confiance pour aimer le bébé et bien s'en occuper. Le problème, c'est que nos deux aventurières étaient parties sans prévenir qui que ce soit et que tous les Smardiennes très inquiets étaient à leur tour partis à leur recherche. La forêt était en proie à une agitation telle qu'elle n'en avait jamais connue. Les Smardiens qui cherchaient s'interpellaient en des termes aussi curieux qu'ésotériques. « Zévoïsouf, selsnafné, saf utiot, hoïm, nom sulb, siam, sonskri, irokné. » Tout à fait inconscientes de l'émoi provoqué par leur disparition, les deux fillettes continuaient leur quête lorsqu'elles entendirent comme un gémissement provenant d'un rosambaumant, sorte de buisson lumineux ayant des vertus thérapeutiques en smardie. Elles s'approchèrent avec appréhension du dit buisson et aperçurent, retenu par des lianes venimeuses, un boutou-boutou qui tentait vainement de se libérer de son emprise mortelle. Le boutou-boutou est un animal fabuleux, ressemblant à la fois à un oiseau multicolore et à un papillon ayant visage d'ange. Il s'adressa aux deux quêteuses et leur dit « Piozev suov bilerer et suov enirser reg ». Attendris par ce fascinant personnage, les enfants rassurés décidèrent de le secourir et s'attaquèrent à la rude tâche qui les attendait. En effet, vaincre les lianes venimeuses n'était pas une sinécure. Les deux fillettes cherchèrent alentour l'objet qui pourrait les aider dans leur entreprise. Elles aperçurent un siaplanta, sorte de végétal armé de pétales en forme de scie. Elles lui demandèrent poliment la permission de lui emprunter un de ces pétales, avec lequel elle comptait bien procéder à la délivrance du boutou-boutou. L'arbrisseau accepta leur requête et leur tendit ce qu'elle convoitait. Les deux amis s'en saisirent et commencèrent à déchiqueter la plante meurtrière qui enserrait le boutou-boutou. Très rapidement, les lianes demandèrent grâce, et le prisonnier recouvrit sa liberté. Il remercia chaleureusement les deux salvatrices et leur dit « Je sais ce que vous cherchez. Votre quête sera semée d'embûches, mais je vais vous aider. Voici un miroir que vous interrogerez lors de votre face-à-face avec le rond de garde. » Nos deux amis s'emparèrent du précieux cadeau et se séparèrent du boutou-boutou après lui avoir souhaité de ne plus jamais retomber dans un tel piège. Après de nombreuses heures passées à errer dans la forêt, elles furent envahies par un froid glacial qui annonçait la proximité de l'antre où était gardé le fameux Arguigeon. La nuit tomba d'un seul coup. Un affreux ricanement envahit la forêt. Une brume enveloppante s'insinua lentement, donnant au paysage un aspect lugubre et angoissant. Comment nos deux héroïnes apeurées allaient-elles venir à bout de cette situation? Elles osèrent cependant s'aventurer dans la direction où le vent soufflait de plus en plus fort, et au détour d'un sentier, elles se trouvèrent face à face avec l'ouverture donnant accès à la grotte recelant le trésor qu'elles convoitaient. Aucun rendez-garde ne donna signe de vie, et cependant les deux fillettes restaient figées, incapables d'avancer encore. Elcora saisit le miroir confié par le boutou-boutou et le présenta vers l'ouverture terrifiante, mais rien ne se produisit. Elle eut alors l'idée de tourner l'objet vers son propre visage et vit apparaître, enveloppée dans un halo lumineux, la face angélique du boutou-boutou qui lui dit « Le rendez-garde n'existe pas. C'est ainsi qu'on appelle la peur qui est en toi. Si tu réussis à la vaincre, tu n'auras plus aucun problème pour t'emparer de l'Arguigeon. » Les deux amies, pas très rassurées, mais faisant confiance au personnage qu'elles avaient sauvé, se donnèrent la main et entrèrent crânement dans le lieu plutôt inhospitalier. L'obscurité devenait de plus en plus opaque, et bientôt cette dernière fut totale. Il fallut une fois encore interroger le miroir. Elcora le caressa de ses doigts et le pria de les aider une deuxième fois. L'obscurité dans ton esprit, ouvre grand les yeux et tu verras l'essentiel, répondit le cadeau du boutou-boutou. Les deux fillettes firent un effort considérable pour accomplir ce qui leur était demandé. Mais lorsqu'elles y parvinrent, elles eurent l'heureuse surprise de se retrouver dans un univers inondé de lumière aveuglante. Elles s'habituèrent rapidement à cette nouvelle clarté et continuèrent de s'enfoncer plus profondément dans les entrailles de la terre à la recherche de l'Arguigeon. Plus elles s'enfonçaient, plus la lumière s'intensifiait et à la fin, elles ne pouvaient garder les yeux ouverts. Une fois encore, Elcora appela le miroir à son secours. Celui-ci lui murmura « L'Arguigeon est derrière toi. Tu es passé sans le voir, trop occupé à chercher un objet palpable. L'Arguigeon est la bonté qui est en toi. Laisse-la s'exprimer et tu seras bien plus grande. » Le cœur des deux fillettes s'ouvrit alors très grand et la vérité qu'elles recherchaient s'afficha devant elles. Elles avaient découvert la force et la sagesse. Empreintes d'une grande sérénité, nos deux héroïnes prirent le chemin du retour, ayant hâte de revoir le petit frère d'Elcora. Pendant ce temps, les Smardiens se désolaient de la disparition des deux fillettes, et les parents d'Elcora pleuraient beaucoup, pensant ne jamais revoir leur premier enfant qu'ils aimaient tendrement. Les recherches entreprises par les Smardiens continuaient pourtant, et tout à coup, à l'orée d'une forêt, on entendit un groupe de chercheurs s'écrier « Sel Isiov, Sel Tson, Sem Rotne, Sep Nut Erbra ». Avec beaucoup de précautions, les sauveteurs les installèrent dans un de leurs véhicules et ramenèrent Elcora et son ami chez ses parents. Ces derniers laissèrent couler des larmes de joie, mais en même temps, ils grondèrent Elcora d'être parti sans avertir personne, ce qui avait causé chez eux une grande tristesse. La fillette leur demanda pardon, puis elle ajouta « Il fallait bien que je grandisse ». C'est à ce moment-là que la petite fille ouvrit les yeux et fut très étonnée de se retrouver allongée sur le couvercle de la malle. Elle s'empressa de redescendre du grenier pour conter son rêve à ses parents, mais lorsqu'elle traversa la salle à manger, elle eut la surprise de voir la corbeille à fruits pleine de gobe-mois.